Erinnere dich daran, dass es eine getane Sache ist. Rappelle-toi que c'est une chose qui est déjà accomplie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Just like you know, once you know, no matter what you do today, you will never doubt your salvation. Genau, was immer du tust, du wirst deine Errettung nicht anzweifeln. Tout comme n'importe quelle chose tu vas faire aujourd'hui, tu vas jamais douter que tu es né de nouveau. Amen. You can see that Jesus here is teaching us how to pray. Jesus lehrt uns hier zu beten. Ici tu vois comment Jésus-Christ nous apprend comment prier. We learn how to pray. Wir lernen zu beten im Königreich von Christus. Nous, on apprend à prier dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Colossians 1 says we have been translated into his kingdom. In Kolosser 1 steht, dass wir versetzt worden sind in sein Königreich. Colossiens 1 nous dit qu'on a été transmis dans son royaume. And we must learn everything there. Wir müssen alles dort lernen. Das ist ein Muss. Et on doit on doit apprendre tout ce qui concerne le royaume des cieux. We learn everything in Christ's word, how to speak. Wir lernen alles im Königreich Gottes, wie zu wir sprechen, was wir sprechen. On apprend tout dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit, comment on think, what to think. Wie wir denken, was wir denken. Comment penser. Amen. Amen. Quoi penser. Also when to speak. Oder wann wir sprechen. Quand parler. Amen. Amen. What to love and what to hate. Was wir lieben und was wir hassen. We learn everything. Quoi aimer, quoi détester, on apprend tout. Amen. Amen. Because before this time we were opposite him. Denn vorher waren Remember, wir, before you became saved, before you now know the truth, you were opposite him. Wir waren das komplette Those Gegenteil. Those things he said love, you hate. Those things he said hate, you love. But now you learn to love what he wants you to love. Hate what he wants you to hate. Bevor wir zu Jesus gekommen sind, waren wir das komplette Gegenteil von ihm. Wir haben das gehasst, was er geliebt hat. Wir haben das geliebt, was er gehasst hat. Aber jetzt, da wir jetzt bei ihm sind, in ihm sind, lernen wir das zu lieben, was er liebt und das zu hassen, was er hasst. Encore une fois, on apprend tout de nouveau parce que avant d'être né de nouveau, on était contre lui, on était naturel. Et quand on était naturel, on faisait les histoires qui sont contre le principe du royaume des cieux, vu qu'on n'était pas de là. Et c'est pour cela qu'on apprend tout de nouveau. Before this time, we learned to do things our own way. Vor dieser Zeit haben wir gelernt, Dinge auf unsere Art und Weise zu machen. Avant ce temps ici, on était habitué à faire les histoires comme dans notre propre manière. Amen. No longer our own way, but his own way. Ich bin auf unsere Art und Weise, aber jetzt auf seine Art und Weise. Plus dans notre manière, dans notre manière, dans sa propre manière. We learn to obey his voice, to hear his voice and obey his voice. Wir lernen jetzt seine Stimme zu hören only und zu gehorchen. Alone. Allein. On apprend à obéir à sa voix et entendre sa voix. Praise the Lord. Seulement la seule, seulement la sienne. Amen. Amen. Let's go to Luke 11. Lucas 11. On va lire Luc 11. Praise the Lord. Amen. Luc 11. Lucas 11. On va lire Luc 11. Verse 1. Please. 1. First of all. Luc 11, verset 1. It says, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. As John also taught his disciples. Teach us how to pray. Donc, Éternel, apprends-nous, enseigne-nous à prier. You know, Jesus did not rebuke him. Jesus hat ihn nicht verweigert deswegen. Ici, Jésus-Christ ne l'a pas rejeté. He now taught them how to pray. Er hat ihnen beigebracht, wie man betet. Il les a appris comment prier. Amen. But the period of the Son's prayer and not the Holy Ghost period. Und das war die Zeit des Sohnes. So hat er ihnen das Beten beigebracht, nicht für die Zeit des Heiligen Geistes. Et mais ça c'était le temps du le période de du Fils et pas le période du Saint du Saint-Esprit. Amen. From verse 2, the period of the Son's prayer. That is the prayer. And he said unto them, when you pray, say, Our Father, which art in heaven. And we no longer say our Father. In Christ Jesus we pray, and not in our Father. Amen. In Christus Jesus Namen beten wir, nicht mehr im Namen unseres Vaters. Et Jésus-Christ leur a dit que quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, donc peigne notre Père, et maintenant aujourd'hui on dit plus On prie plus au nom de Père, on prie au nom de Jésus-Christ. That kingdom come. His kingdom is already here. We don't need to pray. Sein Königreich ist schon da. Wir sollen, müssen ihn nicht mehr darum bitten, dass es kommt. We are already in his kingdom. Wir sind schon in seinem Königreich. Amen. Que ton royaume, que ton royaume règne. Nous, on n'a plus besoin que. Et ça, c'est faux maintenant parce que nous sommes déjà dans son royaume. Amen. Praise the Lord. Colossians 1 again said we have been translated into his kingdom. In Kolosser 1 steht nochmal, dass wir schon versetzt worden sind in sein Königreich. Es sei denn, du bist nicht errettet. Colossiens 1 nous dit que nous sommes déjà, on a été transférés dans son royaume. Sauf Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau. Verse 3. He said, give us day by day our daily bread. We don't beg for bread. Wir betteln nicht um Brot. We thank him for bread. Wir danken ihm für das himmlische Brot. Verset 3, il dit ici, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Nous, on ne prie plus, on ne lui supplie plus de nous donner à manger aujourd'hui. On lui remercie qu'il nous a déjà donné notre pain quotidien. Amen. The music I loved before, years ago. You know, give us our day, it's always begging. Amen. Praise the Lord. All those songs, they are unbelief songs. Die Lieder, die ich früher gerne gehört habe, da ging es immer darum, dass man Dinge von Gott bekommt, aber das sind Battle-Songs. Les musiques que j'entendais avant, dans les années passées, il s'agissait que toujours de... Il s'agissait toujours de supplier l'Éternel, et ça, ce sont être un mendiant. Et nous ne sommes pas des mendiants aujourd'hui, on doit arrêter d'écouter ces musiques. Amen. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jenen, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. And forgive us our sins. For we also forgive everyone that is in debt to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Praise the Lord. You can see a servant prayer. Wir sehen, das ist ein Gebet von einem Knecht. Luc 11:4 nous dit ici, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit en tentation. Et ça, on peut voir que c'est une prière d'un mendiant. C'est pas un une prière d'un servant et pas une prière d'un fils. Praise the Lord. Alleluia. You don't need to beg him to forgive you your sin. Because he has already paid for all your sins. Past, present and future sins. Wir brauchen ihn nicht darum zu bitten, unsere Sünden zu vergeben, denn er hat uns all unsere Sünden schon vergeben, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. On n'a pas besoin de demander à l'Éternel de pardonner nos péchés parce que lui il a déjà à travers sa mort pour nous Jésus-Christ a nous a déjà tout pardonné, il a pardonné nos péchés qui sont les passés, les futurs ou même les présents, il a déjà tout pardonné. He paid the price 1000 years ago. Er hat 1000 Jahren den Preis bezahlt. Il a déjà payé les péchés le prix 1000 ans passés. Before you were even born. Bevor du geboren wurdest. Même avant d'être né. He paid the sin of the whole world. Er hat den Preis von der Sünde der ganzen Welt schon bezahlt, nicht nur von den Gläubigen. Avant notre naissance, il a déjà payé le prix de tout le monde, même pas seulement des croyants, même des incroyants. People are going to hell in spite of their sins being paid for. Leute gehen in die Hölle mit bezahlten Sünden. Les gens sont en train de partir en enfer malgré leur péché a déjà été payé. A lot are going to hell in spite of their sins being paid for. Leute gehen in die Hölle mit vergebenen Sünden. Beaucoup de gens partent en enfer malgré leur péché les a déjà été payés. Praise the Lord. And that is why what man and religion cause sin is not the problem. Deswegen ist das, what Christ caused sin. Mann und der Mensch und Religion als Sünde nennt es nicht das Problem, sondern das, was Jesus Sünde nennt. Et c'est pour cela ce que l'être humain et ce que la religion appelle péché, c'est pas la même chose. C'est pas nécessaire, mais c'est ce que Jésus-Christ appelle péché, c'est ça qui est le problème. Amen. What man and religion cause sins have been paid for. Was Menschen Religion Sünde nennt, wurde schon bezahlt. C'est que l'être humain appelle péché, c'est que la religion appelle péché, ça c'est plus un problème parce que ça a déjà été payé. Remember John 16. Erinnert euch an Johannes 16. Rappelez-vous à Jean 16. He says sin is singular. Sin of not believing me. Die Sünde ist eine Einzahl, die Sünde eben nicht an Jesus Christus zu glauben, das ist Sünde. Il dit Jean 16 que le péché c'est quelque chose, il est singulier. Il y a seulement qu'un seul péché et c'est le péché de ne pas croire en Jésus Christ. That's not, it's a sin because they believe not on me. Sünde, weil sie nicht an mich glaubten. Jean 16, verset 9, il dit en ce que concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est ça le péché. Jean 16, verset 9. Johannes 16, Vers 9 lesen wir das. Amen. It's not your sin of fornication, the sin of your stealing, lying that will take you to hell. But it's sin of not believing on Christ. Because if you believe Christ, you will hate those things. Nicht die Sünde von Unzucht oder Stehlen oder Lügen, sondern die Sünde, nicht an Jesus Christus zu glauben. Donc le péché, ce n'est pas la fornication ou bien que tu as volé, tu as menti. Non, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas même et tu dois détester à commettre ces actes de mentir ou bien de péché ou n'importe quel péché. Again, you know, in Luke 11, verse 4. Lucas 11, verse 4. Again, you know, please, the old prayer. We don't forgive sins so that God will forgive us. We forgive because we have already been forgiven. Amen. Damit Gott uns vergibt, sondern vergeben Sünde, weil wir von Jesus vergeben worden sind. Amen. On rentre à Luc 11, verset 4. Nous, on demande on pardonne pas parce que Dieu pour que Dieu nous pardonne, mais on pardonne parce que l'Éternel nous a déjà pardonné. Colossiens 3:13. On va lire Colossiens 3 verset 13. Praise the Lord. Alléluia. Amen. It says, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any evil, as Christ forgave you, so also you do ye. Amen. You forgive because you have already been forgiven. Wir vergeben, weil uns schon vergeben wurde. Amen. Donc nous, on pardonne parce que nous, on a déjà été pardonné. Il lui dit ici à Colossiens 3, verset 13. Your prayer was under the law. Das alte Gebet war gemäß dem Gesetz, gemäß dem, was du tust, deinen Werken. Nochmal? Das alte Gebet war nach dem Gesetz, gemäß deinen Werken, gemäß dem, was du tust. Donc, l'ancienne prière, c'était par rapport à ce que toi, tu as fait, ce que toi, tu peux faire pour l'Éternel, et pas comme maintenant, ce que l'Éternel a déjà fait pour nous. It is about you. Da ging es um dich. Parce que là, il s'agissait de toi. Amen. If you forgive or not. Ob du vergeben kannst oder nicht. Donc, il s'agissait de tes œuvres, si tu as pardonné ou pas. The new is under grace. Aber im neuen Bündnis geht es um Gnade. Mais dans la nouvelle prière, il s'agit de la grâce. It is based on Christ. Es basiert auf Christus Jesus. Et ça, c'est basé sur Jésus-Christ lui-même. His finished work. Seine fertigen Werke. Son œuvre accomplie. What he has done for us. Was er für uns getan hat. C'est que lui, il a fait pour nous. And that's why I don't love you so that God will love me. I love you because he loved me already. Amen. Ich liebe dich nicht, damit Gott mich liebt, sondern ich liebe dich, weil Gott mich schon geliebt hat. C'est pour cela je t'aime, pas parce que pour que l'Éternel puisse m'aimer, mais je vous aime parce que l'Éternel m'a déjà aimé. Praise the Lord. You know, law is servant. Under law, you are a servant. Unter dem Gesetz bist du ein Knecht. Donc, sous la loi, toi, tu es un servant. Under son, which is under grace, you are a son. Unter der Gnade bist du aber ein Sohn. Mais à travers la grâce, tu es un fils. Amen. If you want to know the difference, your place of work, you know your chef might have your daughter or a son. You know how they react to their father is different from how you, that is outsider, that you are just working there, you are a servant. How you react. When your chef is coming, you are always full of fear. But they not. Why? Because of a son relationship. Und man kann sich das auch bildhaft vorstellen, wie bei eurem Chef, vielleicht hat euer Chef einen Sohn und wenn dieser Sohn in die Firma kommen würde, würde sich dieser Chef vielleicht, keine Ahnung, sich auf seinen Tisch setzen und mit ihm Butterbrot teilen und quatschen und lachen und ihn vielleicht hochnehmen. Aber wenn du an deinem Chef vorbeigehst, dann klopfst du erstmal und passt auf und guckst, ob er gute Laune hat, bevor du ihm irgendwas fragst. Also du hast Angst. Das war die, ja. Immediately. Yeah. Messi, wovon sie spricht. Okay. En fait, we are talking about the Yoba, the real boss. When you come, okay, you know, don't come to work. We just tell you, just pack a load immediately. So when the servants are there, they are, and everything, palette, everything is wonderful. You know, there are sons and daughters. How, daddy, you are here today. What are you doing here? Mm. You are here to visit us. Mm. You can see the relationship. Mm. No, but the servant is always we are not to be like that before Christ. Amen. We are sons. Mm. No fear at all. Mm. En fait, c'est comme quand tu, par exemple, je vous donne un exemple, c'est comme si vous êtes au travail avec avec un autre, oui, votre, avec le fils de ton chef, par exemple. Lui, quand le chef vient au travail, le fils va s'asseoir avec son père, malgré son au travail, ils vont parler normalement. Mais toi, quand tu es avec le chef, quand tu vas le voir, tu seras vraiment un peu nerveux, tu auras un peu peur parce que tu dois avoir du respect parce que c'est ton chef. Mais pourquoi cette différence? La différence est que eux, le fils et le père, malgré le père et aussi le fils et l'employé du père, ils ont une relation vraiment entre père et fils. Et c'est pour cela qu'ils sont un peu plus calmes, ils n'ont pas peur. Mais toi, tu as peur parce que tu es un servant, tu n'as pas cette relation et tu as peur que si tu fais une gaffe... Il peut te virer du travail, par exemple. Our relationship with Christ should be based on love. Unsere Beziehung mit Christus sollte auf Liebe basieren. Et c'est pour cela notre relation avec Jésus-Christ, ça doit être basé sur l'amour et la grâce. Grace means it is based on what He did for you, and not what you are going to achieve for Him. Gnade bedeutet, dass es auf dem basiert. Not nothing to do with you. You always have everything to do with Him. Auf dem basiert. That is why you are free anytime you are with Him. Amen. Das ist auf dem basiert, was er für dich getan hat und nicht, was du für ihn tust. Deswegen bist du frei in seiner Nähe. Et notre grâce, sa grâce pour nous, c'est basé pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a déjà accompli pour nous et pas tout ce qu'on va faire. C'est pour cela qu'on est devant lui. On n'a pas peur parce qu'il a déjà tout accompli. Amen. It's not, you know, when you are before him, what am I going to say? Am I free? Am I speaking well? Am I looking well? You know, everything is fear. Mm-hmm. It should be love. Mm-hmm. How He loves you. Mm-hmm. If you know how He loves you, you will love Him in return. Yeah. Amen. Und alles sollte auf Liebe basieren. Und wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, dann wirst du dich auch bei ihm wohlfühlen. Und alles basiert auf Liebe. Und du wirst auch frei sein bei ihm. Donc, tout doit être basé sur l'amour. Et si toi, tu sais comment il t'aime, tu vas aussi l'aimer en retour. Et tu n'auras pas peur, tu n'auras pas pensé à ce que tu fais, comment tu le fais. Tu vas savoir qu'il a déjà tout accompli, t'as déjà pardonné. Et c'est pour cela que tu n'as pas besoin d'être agité. Don't stop living like a servant before Christ. Live like wie ein Knecht zu leben vor Christus. Don't Christus. Leben wie ein Sohn. Just say thank you. Mm. Say thank you. Mm. Bettele nicht, sondern sag danke. Arrête de mendier et de vivre une vie avec comme un servant envers ton père. Tu dois vraiment vivre comme un fils et pas comme un servant. C'est pour cela que tu dois seulement te lui remercier. You know, if you have a father, you are always telling him, be there for me. That is not a good father. Mm. You know, you don't need to remind your father to be there for you. He knows his job. Und wenn du he will be there for you both day and night. Amen. All you need to say is just thank you for being there for me. Wenn du einen Vater hättest, bei dem du dich, den du immer wieder daran erinnern musst, für dich da zu sein, wäre das kein guter Vater. Du musst den Herrn nicht daran erinnern, für dich da zu sein. Er weiß, was gut ist für dich. Si tu as un père et tu dois toujours lui rappeler d'être là pour toi, ça c'est pas un bon père. Mais si tu parce que un bon père lui, il sait que c'est son travail d'être là pour toi chaque jour et nuit. Amen. How to pray New Testament prayer? Wie wir das Gebet vom Neuen Testament, Neuen Bündnis beten. Amen. On va maintenant regarder comment prier la prière du Nouveau Testament. You speak to your problem. Du sprichst zu deinem Problem. On ordonne, on parle. And don't tell your problem who you are. Und erzählst nicht dein Problem, wer du bist. Et tu vas pas expliquer à tes problèmes qui tu es. Listen. You speak to the problems. You can see Jesus. He did not tell those problems, that spirit, I am Jesus. He spoke to, he commanded the spirit what the spirit should become. He sent the spirit out. He did not tell just the spirit, I am Jesus, I'm here. Even saying my body is the temple of God is not the, it's a good prayer, but not the right prayer. Auch Jesus, er hat nicht einfach gesagt, ich bin Jesus und okay. Punkt, sondern er hat befohlen, ne, dass dieser Geist ausfährt. Und genauso auch zu sagen, dass mein Körper der Tempel Gottes ist, das ist zwar richtig, aber es ist nicht das richtige Gebet, was wir beten sollen. On va voir que Jésus-Christ, lui, il n'a pas dit au problème que oui, je suis Jésus-Christ, je suis ici, je suis le Fils de Dieu. Non, il a seulement ordonné direct au problème de partir. C'est que même si tu dis à ton corps, au diable ou bien au problème, oui, mon corps est le temple de Dieu, c'est une bonne prière, mais c'est pas juste en fait. You know, my body is the temple of Christ. It's for me. It's reminding me something. It's not for the Satan. Satan, you already know that you are different. You know, you understand me? That should not be for the Satan. It's for you to know, so that it's like David encouraged himself in the Lord. Help you to stand and be bold. That your body helps you. But that very problem, you must speak to it what that problem is to become. Dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, das ist keine Info für das Problem, für diesen Dämon, sondern es ist eine Ermutigung für dich selbst, um dich daran zu erinnern, wer du bist. Aber wenn es um diesen Dämon geht, musst du anders vorgehen. Donc le fait que tu dis que oui, mon corps est un temple de Jésus-Christ, de Dieu, c'est pas pour que le problème puisse, ou bien les douleurs puissent partir. C'est un encouragement pour toi-même, pour que tu saches qui tu es. Ça te va t'encourager à parler encore ça va te motiver toi-même. Mais envers le diable, tu dois ordonner, tu dois le dire ce qu'il doit devenir, qu'il doit partir, qu'il n'a pas d'effet devant toi. C'est ça ce que tu dois dire au diable et pas qui tu es. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you don't want to live, you don't need to come to Jesus. Wenn du nicht leben möchtest, musst du nicht zu Jesus Christus kommen. Because he is life. Denn er ist Leben. Si tu ne veux pas vivre, tu n'as pas besoin de venir vers Jésus-Christ, parce que lui, il est la vie. You cannot come to him and be dead. Du kannst nicht zu ihm kommen und tot sein oder bleiben. Tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et être mort ou rester mort. If you don't want to be healed, you don't need to come to Jesus. Nicht geheilt werden, because du brauchst nicht Jesus kommen. He is health. He is Si tu ne veux pas être guéri, tu n'as pas besoin de venir vers Jésus-Christ parce que lui, il est la guérison. Is somebody getting it? Praise the Lord. Et il est la santé. Remember, I told Mary Martha, he said, I am the resurrection. It's not, I'm not going to resurrect him, but I am the resurrection and the life. Er hat zu Maria gesagt, er hat zu Maria gesagt, ich bin nicht nur derjenige, der ihn auferstehen lässt, sondern er ist die Auferstehung, Jesus Christus. Donc il a parlé à Marie et Marthe, il les a dit que oui, je ne suis pas seulement la personne qui va le ressusciter, je suis aussi la résurrection. You don't tell your problem about you. You are a son of God, for example. I am a son of God. You don't tell your problem about you. Your body is the temple of God. Your body is genau. Du erzählst dein Problem nicht von dir selbst, dass dein Körper der Tempel Gottes oder dass du ein Sohn Gottes bist. C'est pas toi à te présenter vers tes problèmes et dire oui, je suis maintenant Jésus, je suis un fils de Dieu, mon corps est le temple de Jésus-Christ. C'est pas ça, c'est pas comme ça que tu dois parler à tes problèmes. Your body is not your problem. Denn dein Körper ist nicht das Problem. Parce que ton corps, c'est pas le problème. If you have pain, for example, wenn du beispielsweise Schmerzen hast, si tu as des douleurs, par exemple, your body is not your problem. Your pain is the problem. Dein Körper ist nicht das Problem, der Schmerz you ist das Problem. Your pain, you pay. Si tu as des douleurs, par exemple, c'est pas ton corps qui est le problème. Ce sont tes douleurs qui sont les problèmes. Und du sprichst zu diesem Schmerz. Et tu dois parler à ces douleurs. If, for example, the pain is on your neck, the pain in the neck, you put your hand, that is why you put your hand. You allow your hand to be there so that it will help you to be focused. That is the concentration, to fast your eyes on it. Mm-hmm. You get it? So that you speak to the pain. You pain, I command you to be dead from your root. Mm-hmm. You see, it's not you are speaking to your body. You speak to mm-hmm. that. What your body is not the problem. Mm-hmm. Your body is Christ. Mm-hmm. The pain is a visitor. Und wenn du beispielsweise Nackenschmerzen hast, dann fasst du dir an den Nacken und sagst in Jesus Namen, also verweigerst du, zerstörst du diesen Schmerz, die Wurzel von diesem Schmerz, weil nicht dein Körper ist das Problem, sondern es ist dieser Schmerz. Und du berührst auch diese Stelle, damit du auch deinen Fokus auch nochmal darauf setzt, dass es wirklich um diese eine Sache geht und nicht abgelenkt wirst. Si par exemple tu as mal au dos, là tu vas toucher cette partie de ton corps qui te fait mal et tu vas ordonner à ce douleur qui est derrière ton dos de repartir et de ne plus jamais revenir. Et quand tu vas le toucher, tu vas toucher cette partie parce que tu veux avoir toute ta concentration sur ce partie pour rappeler au diable, pour rappeler à ces douleurs qui n'a pas des effets dans ton corps. The Lord does not want us to be used to pain. Der Herr will nicht, dass wir gewöhnt sind an Schmerz. Be used to Christ, wir sollen gewöhnt sein an Christus. L'Éternel ne veut pas qu'on puisse être habitué aux douleurs. Il veut qu'on puisse être habitué à lui-même. If you have migraine, is it not migraine they call it? The spirit behind migraine, you speak to it. Mm-hmm. You speak to it. You don't see it as normal. It's now your sickness. Mm-hmm. You see it as your own property. Mm-hmm. Wenn du beispielsweise Migräne hast. Sometimes I have headache, I'm coming, sometimes I have headache. I just put my hand on my head. And so I just say, you headache, you pain in my head, I command you, vanish in Jesus' name and never return. Amen. That's how it goes. Mm-hmm. I don't take God back to be taking tablet and tablet upon tablet. You speak to that very thing. And commanded that it should go and never to return. Und wenn du beispielsweise öfters Migräne hast, ne, es ist genau das Gleiche. Du sprichst zu dieser Migräne, zu diesem Geist hinter dieser Migräne und zerstörst ihn. Und du hast auf keinen Fall diese Migräne einfach als, keine Ahnung, Modekrankheit des akzeptieren, die einfach jeder Zweite momentan hat. Das ist normal wegen Stress. Nein, das musst du verweigern und direkt zu diesem Geist sprechen. Und nicht einfach nur Tabletten nur nehmen, sondern du musst diesen Geist rejecten, aktiv. Kill it from the root. Donc, si par exemple, tu as des migraines, par exemple, tu as des maux de tête, toi, tu ne vas pas dire que, oh oui, c'est quelque chose que je dois accepter parce que chaque deuxième personne dans ce monde a des maux de tête et bien des migraines. Non. Toi, tu vas ordonner à cet esprit qui est derrière cette douleur des migraines de partir, de ne pas jamais venir et de retourner. Tu ne vas pas le voir comme normal. Tu ne dois jamais accepter que ça puisse être part de toi. Tu dois vraiment le voir comme quelque chose qui est... oui, c'est que c'est un esprit qui vient pour te déranger et ça n'a pas de place dans ta vie. Yes, the spirit is always behind problems, behind sicknesses and diseases, behind pain. Mm. Es gibt immer einen Geist dahinter diesen Krankheiten, dahinter diesen Schmerzen hast. Parce qu'il y a toujours un esprit derrière toutes ces douleurs et ces maladies. If you go to Mark 9 again, Marcus verse 9. 20, and they brought him unto him. Verset 20. And when he saw him, straightway the spirit took him and fell down. The spirit. Der Geist. You see it? There was spirit behind the problem of this of the young man. Ein Geist hinter dem Problem von diesem jungen Mann. Mark 9, 20. Quand on le lit, on va voir que l'esprit agita, l'esprit agita avec violence ce garçon-là et il tomba par terre. Donc on voit que cette maladie qu'il avait, cette épilepsie, c'était un, il y avait un esprit qui était derrière cette maladie. Are you getting it? Mm-hmm. Then in verse 26 also, and the Spirit cried and rent him so. You see the Spirit. Mm-hmm. But what, you know, what the Father could see was only he cannot speak. He's foaming the mouth. Mm-hmm. But here the Spirit was behind whatever that young boy was going through. Mm-hmm. Look at verse 25 also. Der Sohn konnte, der Vater konnte nur dieses Schäumen und dieses Zittern und dieses Hinfallen sehen. Aber der dafür verantwortlich war, ist dieser Geist, der dahinter steckt, und den konnte der Vater eben nicht sehen. Donc le père lui voyait seulement le fruit, donc ces manifestations genre que l'enfant criait ou bien il était muet ou bien il tombait, des histoires comme ça, c'est ce que le père voyait, mais il voyait pas l'esprit derrière qui était responsable de ce fruit là. Donc la racine, c'était un esprit qui agissait et ça il n'était pas capable de le voir. Praise the Lord. In verse 25, it says, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit. Amen. Mm-hmm. He rebuked it. You know, sometimes when I if you give him one dose, if it's not enough, then give him the second dose. If you pray and say, you pain, I cast you out in Jesus' name, I never to return. If he's still there, then you know there's spirit behind it. Then you now deal with that spirit mm-hmm. and cast him out. Und wenn du beispielsweise Migräne, ne, gegen diese Schmerzmedizin das verweigerst und das aber immer noch da ist, dann weißt du, dass das eine geistliche Sache ist oder dass du diesen Geist dahinter zerstörst und dann gehst du sozusagen einen Gang höher. Donc, si par exemple tu as des migraines et tu pries contre et tu ordonnes à cet esprit ou bien tu ordonnes à ces douleurs de partir et que tu remarques que c'est ça devient encore de plus ou bien c'est toujours là tu renforces encore, tu pars encore, tu vas accélérer encore, tu pries encore de plus et tu lui détruis encore de plus, tu cries même. Praise the Lord. Mm-hmm. Pain on your leg, pain everywhere, pain wherever it is. Make sure you are direct. Mm-hmm. You are speaking to it directly. Mm-hmm. Amen. Bei diesen Schmerzsachen musst du wirklich gezielt zu diesen Dingen sprechen. Deswegen ist es auch gut für dich, dass du diese Stelle dann einfach berührst und dafür betest. N'importe où sont tes douleurs, toi tu dois vraiment être sûr que tu es en train de parler directement à ces douleurs et de les chasser. Et c'est pour cela aussi que c'est vraiment important que tu puisses toucher la partie de toi qui fait mal pour vraiment le directement le chasser. If demons are coming to you, you don't sing to the demons. You don't. I hope you get it. You don't sing or even say my body is the temple. No, no, your body is not your problem. You speak to that demon to get out. Mm. I cast you out of me in Jesus' name. Amen. Direct, you speak to that. The Lord wants us to pay to correction here, please. Genau, also auch wenn halt Dämonen dich angreifen, musst du auch ganz klar und präzise sprechen. Nicht einfach nur singen, dass mein Körper der Tempel Gottes ist. Das ist schön und gut, aber dein Körper ist nicht das Problem, sondern es sind diese Dämonen, die sich Eintritt in deinen Körper verleihen wollen. Ne? Diese Besucher, die musst du vertreiben und verscheuchen im Blut von Jesus Christus. Par exemple, si tu vois des démons qui sont en train de venir, tu vas pas commencer à dire, ben oui, mon cœur est, je suis, et non, non, tu vas directement parler à ces démons, lui dire que hey, écoute, je te chasse de mon corps, et puis tu les donnes même des coups de tête, donc en esprit. Amen. Amen. You cast them out, command them to return to hell where they belong to. Amen. In the name of Jesus. Amen. And never to return to you. Amen. Befehle ihnen zurück in die Hölle zu gehen und niemals wieder zurück zu dir zu kommen. Im Namen von Jesus Christus. Ordonne à ces démons, à ces esprits derrière cette douleur, de cette douleur-là, de repartir dans les ténèbres, de là où il vient, et de ne jamais revenir vers toi. Amen. Amen. Don't tell demons about you. Erzähle den Dämonen nicht von dir. Ne te présente pas. They already know you. Sie kennen dich schon. Parce qu'ils te connaissent déjà. Remember, at the book of Acts, Jesus, I know Paul, I know who are you. They already know you. An Apostelgeschichte, da steht, wo dieser Dämon sagt, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Donc, rappelez-vous même Acte des Apôtres, où les démons là qui disaient aux personnes, disent que oui, Jésus je connais, Paul je connais, mais toi qui es-tu? Donc, ça signifie que lui, eux, ils savent qui tu es. Amen. They want to see if you can take authority over them. Sie wollen wissen, ob du Autorität über sie nehmen kannst. Donc, quand ils te parlent comme ça, eux, ils veulent voir si tu connais l'autorité qui est derrière toi. In Mark 5, from verse 1 to 17, You know, you and the demons are two different people. In Markus 5 lesen wir auch, dass du und diese Dämonen, ihr seid unterschiedliche Personen. In Mark 5, on va lire que toi et les démons, vous êtes deux personnes différentes. You remind yourself who you are. You are reminding yourself. You are not telling the demons who you are. You remind yourself. Mm-hmm. That's how you can stay in faith. Yeah. Mm-hmm. Then you speak to the devil. Speak to the demon. Mm-hmm. You command them and cast them out. Du erinnerst dich erstmal, wer du bist, und dann treibst du sie aus im Namen von Jesus Christus. Donc toi, d'abord, tu te rappelles qui tu es, ta personnalité qui est Jésus Christ, et puis après, tu les chasses au nom de Jésus Christ. Example is Mark 5, from 1 to 17. You can read it at home. Markus 5, 1 to 17. Amen. Mm-hmm. And also that of David, even in the Old Testament. If you look at that of David, 1 Samuel 17. 1. Samuel 17, auch im Alten Testament sehen wir das auch das Gleiche. Donc dans Marc 5, vous pouvez les lire à la maison avec, on va voir là, c'est aussi un exemple, ou bien même avec l'exemple de Daniel. Amen. David, par exemple. Praise the Lord. He reminded himself of who he was. That's David. Er hat sich daran erinnert, wer er ist. David, Amen. Par exemple, dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancien Testament, il s'est rappelé de son identité. He was not saying it to Goliath, but to himself. Er hat es nicht zu Goliath gesagt, sondern zu sich selbst. Goliath was his problem. Goliath, if you go there, 1 Samuel 17, from 31 to 39. Go there, please. On va le lire à 1 Samuel 17. First Samuel 17, from 31 to 39. 1 Samuel 17, 31 jusqu'à 39. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. First Samuel 17. From 31. And when the words were heard, which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against the Philistines to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. You see something there? Amen. Amen. Your heart might be saying that to you. Dein Herz sagt dir das vielleicht. Dieses Problem ist sehr groß. Et si on voit comme Saül disait à David, mais toi tu as un petit garçon, tu as un enfant, tu ne peux pas combattre Goliath. Et c'est ton cœur aussi peut te dire quelque chose comme genre le problème que tu as maintenant là, c'est vraiment trop difficile pour toi, tu es incapable à le résoudre. What about if things did not work? You know, things are, you know, a lot of things can be speaking to you. Vier Dinge not just dir the king alone. Nicht nur der König. Donc ici, c'est pas, on va voir que c'est pas seulement le roi Saül qui est capable de parler. Donc il y a aussi des histoires, des problèmes, des circonstances dans ta vie qui peuvent te dire que tu es incapable à le faire. I did not study well. Ich habe nicht gut studiert. We don't have enough money. Ich habe nicht gut gelernt, kein Geld. Vier Dinge können zu dir sprechen. Il y a beaucoup des histoires qui peuvent te parler aujourd'hui. Que tu n'as pas d'argent ou bien tu n'as pas bien étudié pour tes examens. Genre, beaucoup des histoires comme ça. Amen. Time, age, everything can be speaking. But you don't ignore them. David did not ignore the king. David. Look at what David said from verse 34. Vers 34. Verset 34. And David said unto Saul, your servant kept his father's sheep. And there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. And I went out against him and smoking. And you know, today is what Jesus did for us. Heute geht's um das, was Jesus für uns getan hat. Daran sollen wir uns erinnern. Donc ici, on doit se rappeler que on doit se rappeler à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que ici, même David disait à Saül, oui, mais ton Dieu, il a été, il t'a aidé déjà plusieurs fois. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on doit se rappeler que notre Père, il a déjà tout accompli pour nous. Amen. Amen. He said, I went after him, verse 35, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him. And slew him. Verse 36. The servants slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the army of the living God. Praise the Lord. I love David. Amen. Ich liebe David für diese Aktion. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, okay. Donc verset 36, il dit aussi que voilà que lui il a que il va franchir David comme lui il a déjà franchi aussi les lions au passé. You know, remember when King Saul was pursuing him everywhere. He encouraged himself in the Lord. That's why he was able to win. Saul hinter David he remember himself how the Lord is always there for him. Als König Saul hinter David her war, hat sich David alleine ermutigt, ne, am Herrn festzuhalten. Même quand Saul était derrière David, David lui se rappelait toujours qui il est en Christ, en Dieu. Verse 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. Amen. And Saul said unto David, go and the Lord be with thee. 38. And Saul armed David with his armor. the way that seemed right. Mm-hmm. The way that they have been going through and it did not even work for them. Mm-hmm. Why did he not wear it and go and fight Goliath? Mm-hmm. Amen. He himself. Die Lösung, die richtig erscheint, die gut erscheint, die sie für sich selbst aber nicht nutzen, weil wenn sie doch so toll ist, diese Lösung, dann wieso zieht er da nicht einfach die Rüstung an und geht in den Kampf, wenn die Rüstung noch so toll ist, wenn er mal versucht, sie mir anzudrehen. Und diese böse Rüstung, vor der müssen wir uns in Acht nehmen. Donc ici on voit que Saül a même essayé de mettre à David ses vêtements. Il plaça sur lui une tête en casque ou bien des épées, tout ça. Et pensant que ce sont des armatures qui vont vraiment profiter à David. Mais ce n'était même pas le cas parce que lui-même, il allait même être capable à le mettre. Donc Amen. On doit vraiment faire attention. Your weapon, you have to prove them. Dein Panzer, deine Waffen, musst du prüfen. Donc les armes que tu vas utiliser contre le diable, contre tes problèmes, tu dois vraiment les éprouver. And David girded his sword upon his armor, and he arrayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. Praise the Lord. He said, prove all things. Prove all things. Amen. Donc on doit tout éprouver. Again, Christ does not need anything from Satan. Christus braucht nichts von Satan. Donc je vous rappelle que Jésus-Christ n'a pas besoin de quelque chose du diable. Amen. Amen. Christ only sent Michael to fight. And not Gabriel. Christus schickt nur Michael zu kämpfen und nicht Gabriel. Le Christ, lui, il envoie seulement Michael pour faire la guerre. And not to talk of Lucifer. Pour se battre et pas Gabriel. Geschweige denn Lucifer. Et surtout pas Lucifer. When he was in heaven. Als er noch im Himmel war. Même pas quand il était au royaume des cieux. Amen. Amen. Lucifer only had things to do in heaven before he was cast out. He had nothing to do with man here on earth. Lucifer hatte nur Dinge im Himmel zu tun, als er noch zum Himmel gehört hat. Er hatte da noch mit nichts mit den Menschen zu tun. Donc Lucifer, avant de tomber il a été seulement chargé à servir le royaume des cieux et pas à servir l'être humain. Praise the Lord. Hallelujah. Anytime there was a fight, the Lord always sent Michael. Immer wenn es Kampf gibt, schickt der Herr Michael. Toujours quand il avait un combat, il avait toujours envoyé l'ange Michael. Amen. Revelation 12 from 7 to 9. In Offenbarung 12, 7 bis 9. Dans le livre de Révélation 7, Apocalypse 7. Revelation 12. Offenbarung 12. Apocalypse 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Revelation 12, please. From 7 to 9. 7 bis 9. 7 à 9. That there was war in heaven. Michael and his angels fought against dragon. And dragon fought and his angels. Praise the Lord. Hallelujah. You can see Michael have his own angels. Der and dragon, Satan have his own angels. Michael hat seine eigenen Engel und der Satan hat auch seine eigenen Engel. Ici on voit que il y avait la guerre, la guerre dans le ciel et Michael il est en train de combattre avec ses anges et on voit que le dragon c'est le diable, lui aussi il a ses anges. And that's why if angels come to speak to you, prove the angel. Deswegen Engel, die erscheinen und mit dir sprechen, prüfe die Engel, denn der Satan hat auch Engel. Et c'est pour cela quand un ange vient vers toi et te parler, toi tu as vraiment éprouvé cet ange parce que même le diable il a aussi ses propres anges. You can see all these religions, they were forming one demonic angels on the other. Weil viele dieser Religionen sind immer durch irgendeine Engelserscheinung entstanden. Parce que toutes ces religions là qui sont toutes les religions aujourd'hui, ils ont toujours été nés, ils ont eu leur naissance à travers des anges qui sont en train d'apparaître aux gens. Verse 8. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil, and Satan which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Praise the Lord. Hallelujah. He was not alone. Er war nicht alleine. Il n'était pas seul. Amen. Amen. He polluted his own angels that were under him. Er hat seine eigenen Engel, die unter ihm waren, mit verunreinigt und mit sich gezogen. Le diable n'était pas seul. Il a même pollué ses propres anges qui étaient sous lui. Et oui, il est tombé avec eux. Er war ein Verführer von Anfang an. Et oui. Amen. Look at something here, very interesting. Verse Revelation 12, verse 7. Offenbarung 12, Vers 7. Apocalypse 12, verset 7. He said, Michael and his angels are not Christ Jesus fighting. We are not Christ Jesus fought Satan, but Michael and his angels fought Satan. Michael und seine Engel haben den Drachen bekämpft und nicht Jesus hat den Drachen bekämpft. Ici on voit à verset 7 que c'est Michael et ses anges. Amen. Ont combattu le diable et c'était même pas Jésus-Christ. Amen. Amen. In Isaiah 9, verse 6. In Isaiah 9, verse 6. Unto us a son is given. And. Praise the Lord. Hallelujah. A son is not born but given. Ein Sohn wurde uns gegeben. Esaïe 9, 6 nous dit qu'un fils nous a été donné. There's a difference between the son and the child. Amen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Sohn und dem Kind. Il y a une différence entre le fils et l'enfant. And he said his name shall be wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Und sein Name ist wundervoller Gott, Ratgeber. Et son nom est conseiller un Dieu puissant. Praise the Lord. Hallelujah. A child is born and a son is given. Ein Kind ist geboren und ein Sohn ist gegeben. Un fils nous a été né, un enfant nous a été né et un fils nous a été donné. Und es ist nicht das Gleiche. C'est pas la même chose. Amen. Amen. Everlasting Father who became the Son. Ewiger Vater, der zum Sohn wurde. Un Père éternel qui est devenu un Vater, un Fils. Amen. Jesus is everlasting Father who became a son. Jesus ist der ewige Vater, der zum Sohn wurde. Jésus-Christ est le Père éternel qui est devenu un fils. Don't put him in the same class with religion, with Satan. Reihe ihn nicht ein mit Religion oder dem Satan. Ne lui mets pas dans la même place comme la religion et le diable. Satan is just too low. Der Satan ist zu gering für Jesus. Le diable est trop en bas, il n'a pas de niveau devant Jésus-Christ. That's why Jesus left us to cast him out. Deswegen hat Jesus es uns überlassen, ihn auszutreiben. Et c'est pour cela Jésus-Christ nous a même donné laissé cette autorité de le chasser les démons parce que il est trop inférieur devant Jésus-Christ. Amen. He said he's too low, you just cast him out. Er ist zu gering, deswegen ihr sollt ihn austreiben. Jésus-Christ dit que le fait de chasser des démons, c'est trop inférieur pour moi ce travail. Donc faisez-le. Amen. Amen. Jesus was not mentioned fighting Satan in heaven. Jesus wurde nicht genannt als der den Satan bekämpft oder vertrieben hat. La Bible n'a jamais dit que c'est Jésus-Christ qui a chassé le diable. He was there when the fight was going on. Er war da, als diese Schlacht im Himmel stattgefunden hat. Par contre, il était là, il était en train d'observer la guerre. Amen. Amen. Remember Luke 10, verse 18. He said, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Lukas 10, 18 sagt, I was there. I saw it happen. Wie der Satan vom Himmel gefallen ist. Luke 10 nous dit aussi que, oui, j'ai vu quand le diable, il était tombé ici sur la terre. J'étais là, j'étais présent. You know, in verse 17, they were talking about Satan. And Jesus said, you want to talk about Satan being cast out by you. You want to talk about him. Here, Jesus was talking to his disciples. He said, I saw Satan. You are saying, you are casting me out now. I saw Satan cast out from heaven. Praise the Lord. Amen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr vertreibt den Satan jetzt, aber ich habe gesehen, wie er vom Himmel gefallen ist. Les disciples étaient en train de parler comment ils étaient fiers d'être capables de chasser les démons et Jésus-Christ se dit oh OK, vous parlez vous êtes vraiment impressionné que vous avez pu être capable de chasser les démons aujourd'hui, mais moi je l'ai vu au passé quand il a déjà été chassé du royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. You are seeing him being cast out from people, but I saw him being cast out from heaven. Ihr seht, wie er heute aus Menschen ausgetrieben wird, aber ich habe gesehen, wie er aus dem Himmel verbannt wurde. Yes. Vous réjouissez de voir comment le diable est entré est chassé par l'être humain, mais moi je l'ai déjà vu être chassé du royaume des cieux. Das vor Jahren. Amen. Ça depuis des années passées. He did not say he was the one that make it happen. He said, I was just watching. Der das getan hat, sondern ich habe einfach zuguckt. Jésus-Christ n'a jamais dit que oui, c'est moi qui l'a chassé. Non, il a dit que moi j'observais tout ça, je voyais seulement. He said, I never fought. I did not fight, but I was watching. Ich habe zugeschaut. Il a dit qu'il il s'est jamais battu contre le diable, mais j'ai toujours regardé. Praise the Lord. Hallelujah. And he also said, I saw him in the wilderness again. Und genauso hat auch gesagt, and ich habe ihn in der Wildnis gesehen. By quoting the word. Und ich habe ihn geschlagen, nur indem ich halt das Wort zitiert habe. Et Jésus-Christ a aussi dit que il a vu le diable dans le désert et il a vaincu le diable seulement à travers ses paroles. Amen. Christ have enough angels. Citer la Bible. Christ have enough angels to work for him. Christus hat genug Engel, die für ihn arbeiten. Er braucht den Satan dafür nicht als Boten. Jésus-Christ, il a beaucoup des anges qui peuvent travailler pour lui. Il n'a pas besoin d'un diable, d'un démon. Pour comme un messager. Amen. Mm. If you read Hebrew 1 from 1 to the end, Hebrew talks about angels and Engel und Christus Jesus. Si tu lis Hébreu 1, tu vas voir qu'il parle de Jésus-Christ et des anges. Amen. Because of time, we will not go. But look at verse 9 of Hebrew 2. It said Jesus was once made lower than the angels before because of you and me. He was once made lower than the angels. Er wurde einst niedriger gesetzt als die Engel. When he became man. Als er zum Mensch wurde. Donc Hébreux 9 verset 1 nous dit que Jésus-Christ 1 verset 2, OK. nous dit que Jésus-Christ a été créé, même quand il était être humain, il était dans sa position sous les anges à cause de toi et moi. He was once made a little lower than the angels, like Jesus Christ. Amen. Why? Because he became man. Man is always lower than the angels. Und weshalb war er niedriger als die Engel? Weil er zum Mensch wurde. Der Mensch steht unter den Engeln. Donc, Hébreu 2, verset 9. Pourquoi Jésus-Christ a été... pourquoi il était né... pourquoi sa position a été sous les anges? Parce que l'être humain, normalement, il est toujours sous les anges. Amen. Amen. Amen. And in 1 Corinthians 3, 6, verse 3, it says we are going to judge the angels. Und im 1. Korinther sagt er auch, dass wir die Engel richten werden. Et dans 1 Corinthiens, il nous dit aujourd'hui qu'on va même juger les anges. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of the Christ in us. Wegen Christus in uns. Pour le Christ, à cause du Christ en nous. Again, Daniel 10, verse 12 to 14. Daniel 10, 12 bis 14. Daniel 10, 12 à 14. When Daniel was praying, who brought the message? Gabriel. Als Daniel gebetet hat, wer hat die Botschaft überbracht? Gabriel. Quand Daniel priait, qui avait emporté, amené le message? C'était Gabriel. So he could not get through for 21 days. Guess who was called? Michael was called upon. Und Michael wurde gerufen, als er nicht durchgekommen ist. Et quand le messager Gabriel n'arrivait pas à emmener le message vers Daniel, qui est venu à son aide, à son secours? C'était c'était l'ange Michael qui était venu pour combattre, pour le mettre, pour dégager la rue, pour que les messages puissent arriver. Et c'était pas Lucifer. Amen. You know, Mitch showed up. Demons run. Michael ist aufgetaucht. Showed up and demons run. Und die Dämonen sind gerannt. Amen. Donc, dès que Michael est venu, et les démons du diable, oui, ils ont eu peur, ils ont fui. For 21 days, they could not get through. 21 Tage konnten sie nicht durchkommen. Donc, 21 jours, Gabriel n'a pas pu emmener, le message à Daniel. Michael have to come to handle it. Und Michael musste kommen, um das zu klären. Donc, Michael a dû maintenant venir pour aider Gabriel. And that's why when Michael showed up, there's trouble. Also, wenn Michael auftaucht, gibt es ein Problem. Et c'est pour cela, quand Michael vient, là, il y a un problème. He comes with sword. Weil er mit einem Schwert kommt, mit dem Schwert. Parce que celui-là, il vient avec l'épée. The Bible says he handled the sword of the Lord. Die Bibel sagt, kämpft mit dem Schwert des Herrn. La Bible nous dit que lui, il est toujours en train de combattre avec l'épée de l'Éternel. And that's why no one should joke with any of God's children. Deswegen soll niemand mit Kindern Gottes scherzen, weil Michael ist immer noch da. C'est pour cela il y a personne qui doit oser à déranger les enfants de Dieu parce que Michael il est toujours là, il a toujours l'épée, il est prêt vraiment à vous dévorer. Praise the Lord. Isaiah 37. Isaiah 37. Esaïe 37, verset 36. 36, vers 36. Praise the Lord. Esaïe 37, verset 36. Then the angel of the Lord went forth, a smoke in the camp of the Assyria, 144 and 5,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Just one angel killed 185,000 in one night. Praise the Lord. Nur ein Engel hat 185,000 Männer getötet in einer Nacht. Ici, on voit qu'il y a seulement un ange qui a tué 185 000 soldats. Amen. Revelation 12 said Michael have other angels under him. In Offenbarung steht, dass Michael noch andere Engel unter sich hat. La Bible nous dit aussi que l'ange Michael a aussi beaucoup des anges sous lui. Christ Military department. Amen. His military department is intact. Die militärische Abteilung von Christus ist ist da und sie ist ist um dich. Sie ist aktiv, aber auch standhaft. Donc le département militaire de Jésus-Christ est vraiment est là et c'est aussi intact. C'est solide. He does not need Satan to do anything for him. Er braucht den Satan nicht, um irgendwas für ihn zu tun. Il n'a pas besoin du diable pour faire quelque chose pour lui. Amen. Amen. And there was somebody in charge of the military department. Every, you know, every government has its military department. Jede Regierung hat sein Militär. If we help you to Donc know, chaque gouvernement a son département de militaire. Amen. Amen. Chaque royaume a aussi son département militaire et ça va t'aider à savoir que le royaume des cieux c'est un royaume et pas une religion. Every government has its military department or defense force. Regierung hat sein Militär und das zeigt uns auch, dass das Königreich Gottes halt wirklich eine Regierung ist, weil es auch sein eigenes Militär hat. Every government has a communication department. Und genauso hat auch jede Regierung eine Kommunikationsabteilung. Tout comme chaque royaume a aussi son département de communicatif, de communication. And there is the music department. Oder auch Music department. Eine yeah, Lucifer once was. Amen. Und genauso gibt es auch im Königreich eine Musikabteilung. Wo der Satan, wo, also Lucifer, als er noch Lucifer war, zuständig war, im Kopf von war. Et tout comme il y a aussi un département de la musique et de l'art, là où, comme par exemple ici, Lucifer, quand il était encore au royaume des cieux, il était en charge de ça, oui, voilà. Merci. I have many messages I would like to preach. For example, also, what the Bible is all about. Und ich habe viele Botschaften, die ich gerne mit euch teilen möchte, beispielsweise auch, worum es in der Bibel geht. Donc, il y a vraiment beaucoup de messages que j'aimerais bien en parler avec vous, mais c'est vraiment beaucoup. Amen. Amen. What those evil people are preaching about God and Satan? That Satan is God's messenger. It is not different from what they have said about Christ before this time. Was diese bösartigen Menschen über, über den Satan sagen, was diese bösartigen Menschen über den Satan sagen, dass der Satan ein Bote des Herrn ist, ist auch das Gleiche, was sie von Anfang an gesagt haben über Jesus Christus, wer er ist und dass Jesus Christus wohl für den Satan arbeitet. Donc, c'est tout comme tous ces messages que les gens sont en train de dire aujourd'hui. Ils sont en train de dire, genre, le diable, lui, il travaille pour Jésus-Christ, les messagers de Jésus-Christ. C'est aussi, ça me rappelle aussi au fait qu'ils ont dit à la Bible que Jésus-Christ, il est Belzébourg, par exemple. C'est la même chose, en fait. Amen. Amen. Jesus and Satan are opposites. Jesus and Satan sont les gegenteils. Jésus-Christ, le diable, ce sont, et Satan, ce sont vraiment deux personnes au contraire. They are parallel lines that can never meet. Sie sind gegensätzliche Linien, Bahnen, die sich niemals treffen werden. Donc, ce sont deux parallèles qui vont jamais se croiser. They can never be one. Sie können nicht eins sein. Ils peuvent jamais être un. Because darkness and light cannot be one. Weil Finsternis und Licht nicht eins sein können. Parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher ensemble. The Bible says Christ's kingdom is forever. Die Bibel sagt, das Königreich von Jesus Christus ist für immer. La Bible nous dit que le royaume des cieux c'est pour toujours. But Satan fighting Satan, the kingdom there is end to it. Aber das Königreich des Satans, das der Satan in Satan bekämpft, das hat ein Ende. Das hat es hat einen zeitlichen Verfall und deswegen, und das weiß der Satan, dass er wenig Zeit hat. Le royaume du diable, ça, ça a un délai. Et ça, le diable le sait. Praise the Lord. Amen. There is no end to the kingdom of Christ. Das Königreich von Christus ist endlos. Aber das Königreich des Satans ist begrenzt. Es hat ein Ende. Il n'y a pas de fin dans le royaume des cieux, mais il y a une fin dans le royaume du diable. Praise the Lord. Yeah. Matthieu 2. 12, pardon. Matthieu 12. Verse 12. Verse 25 and 26. 25 und 26. Matthew 12, 25 and 26. Okay, we can read from verse 20. Okay. Okay, let's read from verse 22. 22 to 26. 22 to 26. He said, then was brought Matthew unto 12, him 22, one possessed with a devil. A devil. Blind and dumb. You can see that there's always spirit behind all these problems. Is it mein Geist in diesen Dingen? Somebody that is blind and dumb. Jemand, der blind und taub war besessen von einem Dämon. Ici, on voit qu'il y a toujours un esprit derrière toutes ces maladies. Il y avait quelqu'un ici qui était aveugle, qui ne savait pas comment parler. Et ça, il y a un esprit derrière ça. Vom Satan besessen, nicht von Gott besessen. On dit que c'était un esprit du diable. And that's why when you see people, vegetable, all these people, that when you see them, how they are. These people, all these vegetable people. There's always demons there. Mm-hmm. It's not normal for a child, for somebody to be that way. Mm-hmm. You get it. Und deswegen immer, wenn wir diese Menschen sehen, die halt so krank sind, dass sie nichts mehr tun können, dass sie einfach komplett lahm liegen. Wir erkennen, dass das halt geistlich ist und nicht einfach irgendetwas ist, irgendein Gendefekt ist, sondern es ist wirklich eine geistliche Sache, die dafür sorgt, dass diese Menschen so krank sind und so eingeschränkt sind in ihrem Verhalten und in ihrem Körper. Et c'est pour cela quand on voit quelqu'un qui est par exemple qui a des maladies ou bien qui a un problème, c'est pas seulement qu'il est né comme ça parce que son corps a eu un problème dans la naissance. Non, tout ça c'est spirituel. You know, if you call it what the doctors call it, they are dumb, they are deaf, maybe they are ears half. Here Jesus is saying that there was the devil behind that problem. Mm. But people never see it that way. And it's a pity that God's children, they are not even seeing it that way. Und, because one, if you do not know there is a thief, you cannot get the thief. Wenn du nicht weißt, dass es einen Dieb gibt, du wirst diesen Dieb auch nicht fangen können. Und es ist wichtig, die Sachen so zu benennen, wie Jesus sie benennt, und nicht sie so zu benennen, wie die Welt es benennt. Donc c'est important de appeler les histoires comme les nommer comme l'Éternel les nomme et pas comme le monde les nomme, parce que sinon tu vas commencer à croire ce que que les gens sont en train de dire. Praise the Lord. Please let us learn to call things what Jesus called. Tu peux pas les chasser. Lass uns lernen, die Dinge so zu benennen, wie Jesus sie benennt, nicht so wie Ärzte sie benennen. Those people will never be healed until you call them what the Lord called them. Weil sonst werden diese Leute niemals geheilt, wenn du sie nicht so benennst, wie Jesus sie benennt. Tu dois appeler les gens comme l'Éternel est en train de les appeler ou bien de les voir. Sinon, ils seront jamais capables à être sauvés ou bien à guérir. Praise the Lord. Hallelujah. And he healed him in so much that the blind and the dumb both speak and saw. 23. And all the people were amazed and said, It's not this, the son of David. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by the Beelzebub, the prince of the devils. He's working for Satan. Amen. Sie haben versucht zu sagen, dass er für den Satan arbeitet, dass ici, Jesus das tut. Ici on voit qu'ils ont essayé de dire que Jésus-Christ travaille pour le diable, pour Beelzebub. The same thing they are saying today that Satan is working for Christ. Das gleiche sagen sie auch heute, dass der Satan für Christus arbeitet. C'est la même chose qu'ils disent aujourd'hui que le diable travaille pour le Christ. And Jesus knew their thought and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Mm-hmm. And every city or house divided against itself shall not stand. Mm-hmm. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So we close with that, please. Any question?